Est-ce que vous vous souvenez comment on dit commencer? To begin. To begin, ou bien? To start. To start. Vous connaissez sans doute le mot si vous faites du sport, les starting blocks. Quand on fait la course, voilà. Un mot utilisé en français et qui vient de l'anglais. To start, commencer. To start est un verbe régulier. To begin est un verbe irrégulier. Alors, comment dit-on to start au passé? Started. Started. Et to begin au passé se dit began. Began, qui s'écrit B-E-G-A-N. Began. Le participe passé est encore différent et ça se dit began. Began. B-E-G-U-N. Alors, comment diriez-vous « Nous commençons maintenant ?»« We are beginning now. »« We are beginning now. » Ou bien ?« Starting. » »« Yes, we are starting. We are starting now. » »« Commençons. » »« Let's. » »« Good. » »« Begin. » »« Right. Let's begin. Let's start. » »« On commence. » »« Est-ce qu'on commence ?»« On va commencer. » Will... No. Est-ce qu'on commence? On va commencer. On commence. Shall... Oui. Yes. Shall we? Shall we start? Right. Shall we start? Shall we start? Alors, comment dit-on? Faisons-le. Let's do it. Let's do it. On va le faire. On le fait. On va le faire. Shall we do it? Right! Shall we do it? Qu'est-ce qu'on va faire? What? Are we going... Oui, mais on va le faire. What shall we go? Right, once more. What shall we... Oh, do. Do. Right, what shall we do? Commander se dit to... Dans le sens de commander à manger, par exemple. Order. Right, to order. Commandons. Let's order. Let's order. Alors, on va commander, on commande. Shall we order? Shall we order? Qu'est-ce qu'on commande? Qu'est-ce qu'on va commander? Qu'est-ce que nous allons commander? What shall we order? Right, what shall we order? Mangeons se dit... Let's eat. Yes, let's eat. On va manger... Shall we eat. Yes, shall we eat. Yes. Alors, on mange, on va manger se dit... Shall we eat? Qu'est-ce qu'on va manger? What shall we eat? Right, what shall we eat? Commençons. Shall we start? No. Let's start. Let's start. Commençons. Let's start. Let's start. Ne commençons pas encore. Don't... Let's not start... Let's not start yet. Yet. Alors, faisons-le... Let's do it. Let's do it. Ne le faisons pas. Let's not do it. Let's not do it. Et comment se dit on le fait, on va le faire? Shall we do it? Right. Shall we do it? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? What shall we do tonight? Right. What shall we do tonight? On commence? On va commencer? Shall we start? Shall we start? Alors, à quelle heure est-ce qu'on va commencer? At what time shall we start? Right, at what time shall we start? Avec shall, on demande une opinion, une décision que quelqu'un d'autre doit prendre. At what time shall we start? Mais, si vous voulez dire plus précisément, à quelle heure allons-nous commencer? L'heure est déjà fixée. Et je voudrais savoir à quelle heure nous allons commencer. At what time are we going to start? Right. At what time are we going to start? Mais pour traduire, à quelle heure est-ce qu'on va commencer? Qu'est-ce que vous en pensez? Shall we... At what? At what time shall we start? At what time shall we start? Yes! Où est-ce qu'on va déjeuner? Where shall we go to have lunch? Yes! Where shall we go to have lunch? Ou simplement, where shall we... Have lunch? Yes! Where shall we have lunch? C'est la même chose en français si on dit « Je vous attends ici ?» C'est-à-dire qu'on pose la question pour avoir une opinion, une décision que quelqu'un doit prendre, n'est-ce pas? Comment dit-on « Voulez-vous que je vous attende ici ?»« Je vous attends ici ?»« Shall I wait ?» Right. Here ?» Yes. Shall I wait here? Shall I wait for you here? Comment dit-on? Je viens avec vous? Shall I come with you? Right. Shall I come with you? Voulez-vous que je vienne avec vous? Will you? No. Voulez-vous que je vienne? Voulez-vous? Désirez-vous? Do you want me I come? Me avec l'infinitif? Me to come. Do you want me to come with you? Do you want me to come with you? On pose la même question quand on dit Shall I come with you? Et Do you want me to come with you? Shall I come with you? Je viens avec vous? Je dois venir avec vous? Je viens avec vous? Shall I come with you? Si on demande si c'est d'accord, alors on dit Shall I? Shall I come with you? Mais plus précisément, si on veut dire Voulez-vous que je vienne avec vous? Do you want me to come with you? Do you want me to come with you? C'est votre volonté, c'est votre désir. Vous le voulez, n'est-ce pas? Do you want me to come with you? J'y vais avec vous? Shall I go with you? Shall I go? J'y vais. There with you. Yes, once more. Shall I go there with you? Right. Shall I go there with you? Shall I go there with you? Voulez-vous que j'y aille avec vous? Do you want me to come with you? Voulez-vous que j'y aille? Do you want me... Aller, pas venir. To go with you? To go... There with you? Right. Do you want me to go there with you? À présent, comment dit-on? Je serai là à 8 heures. C'est toujours une question, d'accord? Je serai là à 8 heures. Shall I there? Shall I? Le verbe. Be there. Once more. Shall I be there? At 8 heures. 8 o'clock. Right. Shall I be there at 8 o'clock? Voulez-vous que j'y sois à 8 heures? Do you want me to be there? Right. At 8 o'clock. Right. Do you want me to be there at 8 o'clock? À quelle heure voulez-vous que je sois là? At what time do you want me to be there? Right. At what time do you want me to be there? Encore une fois. J'y vais avec vous. Shall I come with you? Yes. Shall I come with you? Shall I come with you? Oui, je voudrais que vous veniez avec moi. Yes, I would like you to come with me. Good, yes, I would like you to come with me.